Bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture Accept avec The Fight It Back, extrait de l'album cultissime Balls to the Walls. Ça nous ramène 40 ans en arrière à l'année 1983. Pas le morceau le plus connu, mais un morceau assez speed que j'aime beaucoup écouter. 24e album du groupe Saxon, 24e album studio, faut-il le préciser. Ça sort aujourd'hui même sur Silver Lining Music, Hell, Fire and the Nation, le dernier album de Saxon, un Beef Before plus en forme que jamais. qui enchaîne les projets discographiques donc quelques mois tout juste après l'album More Inspirations, qui est un deuxième album de reprise de Saxon enregistré pendant le confinement. Le groupe de True British Heavy Metal, de New Wave of British Heavy Metal, nous revient avec son nouvel album studio. L'album, alors, j'ai pas eu la chance de l'écouter en entier jusqu'alors, mais ce que j'ai entendu m'a absolument vraiment enjaillé. J'ai vraiment très bien aimé. On retrouve des morceaux comme 1066 qui développe une ambiance historique, comme le sait si bien les comtés B.F. Ford. On retrouve des morceaux comme le morceau titre qui se veulent quand même assez mid-tempo. Donc on en a plusieurs. Ils en ont diffusé un autre cette semaine qui s'appelle There's Something in Roswell. Toujours une grosse production, à la fois moderne et également pas stérile, mais organique. On ressent bien le son du groupe. À noter donc la présence du guitariste de Diamond Head, Brian Tatler, qui tourne avec le groupe depuis 6 mois environ, et qui apparemment a contribué à l'album studio, composition et même à l'enregistrement. Donc Paul Quinn fait toujours partie de Saxon, mais on a ici ménage à trois, une guitare apparemment. Donc alors qu'il avait annoncé il y a de ça quelques mois qu'il arrêtait uniquement les tournées, qu'il faisait toujours partie du groupe. En tout cas, on a là un superbe album, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Hellfire and the Nation, tout de suite sur Overdrive Radio Audio. Fighting for Yes, vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. C'était le dernier album de Saxon, Hellfire and the Damnation. 73 ans que le père Biff Byford vient de fêter. Et que dire si ce n'est que sa voix est tout simplement toujours, toujours, toujours au top. Un superbe album. On le retrouvera le groupe, les deux groupes phares de la New Wave, British Heavy Metal. J'ai bien sûr nommé Saxon and Judas Priest en concert le 5 avril prochain du côté de la Halle Tony Garnier de Lyon. Ça devrait être une superbe soirée, donc rugez-vous tout de suite sur les places. Pour se débuter ce début d'année 2024, on va continuer un peu dans le classique heavy metal hard rock avec le groupe Lucifer qui nous sort cet album simplement appelé Five, sur lequel on retrouve le guitariste chanteur des Helicopters, Nick Anderson, en compagnie de sa femme. Ça sort sur Nuclear Blast pour un très très bon album de hard rock heavy metal classique. Hear the rolling thunder. Higher body, your taking the time I'll never have. Call me lazy, you don't get it. Call me clumsy, I don't mind it. Take it easy, you don't get it. One day I'll change, but now I'm running out of time. Got a monkey on my back, so please cut me some slack. Call me messy, you don't get it. Call me drowsy, I won't fight. But now I'm running out of time. I try to do my best. I try to do my best. Even the clock will give me some rest. Yes, Dirty Fonzie, Dirty Fonzie, avec Full Speed Ahead pour ce groupe de, on va dire, punk rock français, qui est ouais, super rafraîchissant. On continue avec Heads Up maintenant, qui nous sort cet album sur MNO Music. Ça dure tout simplement 26 minutes, c'est super vite envoyé, avec un morceau qui s'appelle, là aussi, assez marrant, qui s'appelle Song for People Who Hate Punk Rock and Countryside. Donc j'aime bien le pied de nez, tout simplement. C'est 21h55, vous écoutez toujours Overdrive sur Radio Duo. Yes, vraiment excellent. Vous venez d'entendre Russell and Guns. Il s'agit de Jack Russell, le chanteur de Great White, et du guitariste Tracy Guns, qui allient leurs armes ici sur ce projet développé à l'initiative du label italien Frontiers Records. Force est de constater que ça fonctionne plutôt bien sur ce Tell Me Why, qui déboule vraiment à toute vitesse. Maintenant, on continue avec quelque chose d'à la fois un peu aigre-doux. Il s'agira du dernier album de Magnum. Bien entendu, on est content de réentendre la voix de Bobby Catley sur ce Here Comes the Rain. Néanmoins, il faut quand même annoncer la triste nouvelle. Il s'agira du décès du guitariste fondateur du groupe Tony Clarking, depuis presque toujours, et principal compositeur du groupe. Il est mort quelques jours avant la sortie de ce dernier et très bon album, Here Comes the Rain, dont on écoute tout de suite le morceau titre. C'est sur Overdrive et vous écoutez toujours Radio Dio. Un petit hommage à ce fantastique guitariste trop peu reconnu, Tommy Clarking. Yeah. Yes, vous venez d'entendre le groupe Cobra Kill avec son dernier album Serpent's Kiss qui vient de voir le jour sur Frontiers Records. Et maintenant, on passe à ce groupe Ruthless qui avait connu une carrière assez confidentielle au milieu des années 80, donc de 82 à 88, et qui nous revient maintenant avec cet album The Fallen sorti sur Atomic Fire Music. Donc ça fait un peu partie de ces groupes des années 80 qui ont eu un petit peu un parcours de poissard et qui sont revenus aux alentours de 2010 et qui retrouvent un certain public qui s'identifie et qui apprécie à la fois leur musique et qui reconnaît la qualité et la combativité de leur abnégation et bien sûr de continuer toutes ces années malgré le manque de succès. Et il faut dire que ça marche plutôt bien. On peut penser à des groupes comme Seraph Angle qui a fait parler de lui ces derniers temps. Sorcerer également qui a publié plusieurs superbes albums. Et puis ce Ruthless dont on écoute tout de suite The Fallen avec un cri à la Tom Araya et des guitares à la Walls of Jericho de Halloween. Ce sera The Ruthless, The Fallen, son morceau titre. Looking through it, hourglass, knowing that the time is short, marching on to Yes, Ruthless Fallen, morceau titre, extrait de cet album sorti sur Atomic Fire Music pour ce groupe américain n'ayant pas connu le succès dans les années 80, mais revient plutôt en forme, il faut bien le reconnaître. Princess Leia, il s'agit d'un concept particulier puisque là, il pousse le bouchon de Ultra Vomit encore plus loin, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre le stand-up comedy et le véritable groupe de musique, puisque c'est tout simplement le groupe de Dedo. Dedo, cet humoriste qui est passé par le Jamel Comedy Club, qui se lance dans la musique, entouré de différents musiciens et humoristes, là également. Donc ils sont sur un plus ou moins des concept albums, avec à la fois des blagues, etc., des gags, et puis une espèce d'histoire, et puis des petits, assez courts morceaux rentrent dedans. Donc on pourra signaler la superbe production qu'on a ici, puisque ça sonne gros. Le projet a été un peu chapeauté par le guitariste de Kadinja, rien de moins, un super guitariste, Pierre Danel, donc aux manettes des arrangements, et puis je pense un peu également sur certains riffs de guitare, ça s'entend. Alors on va passer tout de suite à un morceau assez marrant, où ils arrivent à développer un petit peu différentes ambiances et également univers. Ce sera Analphabet, je vous laisse tout simplement deviner de quoi ça parle. Ce sera Princess Leia tout de suite. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre cet album né du groupe Néocratie, groupe allemand, qui m'a fait parvenir ça cet après-midi sur la page Facebook de l'émission. Donc, bah, ça m'arrive parfois de recevoir justement des demandes sur cet album Pure Organic par Néocratie. Donc, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo si vous voulez tout simplement faire un petit coucou ou alors même proposer votre production musicale. Voilà, on continue maintenant dans Overdrive avec un très très très bon projet. Ça s'appelle No Terror in the Bang, sorti sur la Clonosphère avec cet album Heal. Donc là, on est sur le deuxième album de ce groupe qui nous propose un métal progressif, on pourrait dire même djent, puisqu'on a des influences à la Ginger, Hypnose également, un son assez moderne, mais qui se veut absolument cinématographique. Donc le groupe se réfère parfois à Alfred Hitchcock et arrive à développer une ambiance assez angoissante par moment, avant de nous offrir des moments de répit et de lumière à tout bonnement bienvenue. On va laisser parler la musique maintenant. En tout cas, jetez-vous sur cet album No Terror in the Bank, ça vient de sortir sur la Clonosphère. Any of this is divine. I was starving. Constantly. I can't feel content any longer again. Yes, vraiment super son, une production assez moderne, mais en même temps personnelle sur ce No Terror in the Bang. Et on va continuer tout de suite avec cet album de Post Sludge, Horror, tout de suite sorti sur Hammer Heart Records pour une longue plage musicale. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passé de 33 minutes. Yes, vous venez d'entendre Fuming Mouth avec Last Day of Sun et Silence Beyond Life. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. On continue avec du death metal qui envoie un max, ça s'appelle Alluvial, Death is but a door, et ça voit le jour sur Nuclear Blast. J'apprécie tout particulièrement les Dimebag Squeal audible. C'est ça. Yes, Alluvial, tout de suite, du bon death metal, c'est moderne, voilà, très différent de ce que l'on va écouter maintenant avec Master, ce groupe culte de death metal, avec son dernier album, Last Day, Saint Dispelled, et le morceau qui s'annonce comme l'un des morceaux forts de ce disque, ça s'appelle Walk in the Footsteps of Doom. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour 895, sur le 895 de Radio Duo pour 90 minutes de musique qui pulse. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radio-duo, également Instagram de l'émission Overdrive Radio Duo, le www.radioduo.org, la plateforme Mixcloud pour les podcasts. Bref, pas mal de choses, sortez couverts, faites attention à vous, il fait très très froid et les trottoirs sont glissants du côté de Saint-Étienne. En tout cas, je vous souhaite une bonne chose, ce sera des Winter Dreams, comme chanté sur Udo Dirkschneider sur ce morceau d'Accept qu'on envoie tout de suite. Merci, ciao, bye bye. The girl can